بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. خذ لكم منطقة أبو تيمية خليل المتنكي حفظه الله تعالى. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب، donc comme convenu, inchallah, on va faire un khurasa ce qu'on a appris dans ces durous de Boulou al-Maram, de Fath al-Alam, de Cheikh Mohamed ibn Hizam. Juste Kitab al-Tahara, le livre de la purification, qui lui-même est étendu sur à peu près 10 chapitres, les chapitres qu'on a pris, Fadlillah. Donc là, les points essentiels à retenir, c'est ce qu'on a appris lors de ces durous. À savoir que tout ce qu'on a cité était basé sur les tarjihat de Cheikh Mohamed ibn Hizam. Il y a surtout l'avis que lui voyait. D'accord. De ces avis, certains sont clairs, authentiques, avec les preuves à l'appui. D'autres sont des ijtihad de lui, comme d'autres savants, ils ont pu en avoir. Et d'autres points sur lesquels on n'était pas forcément d'accord. D'accord. Mais en tout cas, la plupart des choses qui ont été citées, d'accord, sont appuyées, sont fortes. Les argumentations sont fortes. Et comme tout le monde, Cheikh Mohamed ibn Hizam n'est pas marsoum, n'est pas infaillible. Mais en tout cas, là, la presque totalité de ses avis qu'on a cité jusqu'à présent, et c'était vrai. Du moins, pour ma part, j'en étais convaincu. Non. Et cela sans ta'assoub à un madhhab, sans fanatisme à un madhhab ou autre. Et également, Cheikh Ibn Hizam lui-même n'est pas mukallid, c'est pas un suiveur aveugle de ce que Cheikh Haï disait, de ce que Cheikh Mouboulé disait ou autre. Lui, voyait son avis, il a atteint le mustawa d'ijtihad qui lui permet de pouvoir regarder dans les masa'il, d'évaluer, d'accord, d'estimer et de donner son résultat, comme lui le voit. Tant dans le hadith, quant à sa faiblesse ou son authenticité, ou tant dans la masala fiqhiyya, c'est quoi l'avis le plus fort. Et cela également est une forme de réponse à ceux qui prétendent que Cheikh Yahya, il impose son avis aux gens. Dans le fiqh, il n'accepte pas qu'on le pose à lui. Et ce livre, et bien d'autres, sont des preuves que cela n'est pas vrai. Bien des avis que Cheikh Mohamed ibn Hizam a sont opposés aux avis de Cheikh Yahya. Et Cheikh Yahya, il voit donc ton dalil, ton ijtihad. Il n'impose à personne son avis, hormis les masaïls qui sont qat'iyya, qui sont catégoriques. Et par exemple, demain, c'est pas quelqu'un qui vient avec un avis qui s'oppose totalement à la vérité, et après on va dire non, tu as le droit d'avoir ton avis. Et des masaïls, il n'y a pas. D'autres masaïls qui sont plus larges. D'accord. Parmi les grosses masaïls, justement, où Cheikh Mouizem, par exemple, n'est pas en accord avec Cheikh Haïr, sur Tariq al-Salah, sur quitter sa salat. Cheikh Hadjouri, il voit que c'est un kafir. Cheikh Ibn Hizam, il ne voit pas que c'est un kafir. D'ailleurs, dans Kitab Salah, il commence par ça. Dans le hukm de la salat, avec la dilla, il n'y a cache tout. Et lui, au final, il voit que celui qui dit sa salat, ce n'est pas un kafir. Bien sûr que dit sa salat, takassulan, laissa juhudan. Tamam. Et c'est son avis. Et il le dit clairement dans sa douloureuse. Et Cheikh Hal, lui a jamais dit de se taire ou d'arrêter. Ou... Pourtant, c'est une masala, elle est importante. Tu vois, c'est du kouf. Ou... Et malgré cela, non. Donc, pour te dire que les gens de Damesh ont pu savoir ce qui s'y passe, ce qui a été dit comme mensonge et comme chose fausse et injuste, alhamdoulilah, celui qui était, il a vu de ses propres yeux que tout cela n'est pas vrai. Tayyib. Donc, comme on l'a dit, Kitab Tahara était établi sur à peu près 10 chapitres. Ashara Abwab. En tout début, on a pris des masaïl. Les masaïl fiqhiyya, Al-Kulliya, Al-Kubra. D'accord. On les a prises au début. Ça, c'est hors. C'est pas dans le livre, mais elles aident à comprendre la suite du livre. Également, une qaïda qu'il faut comprendre, qu'on cite pour tout le reste, c'est que Al-Asr fil Asha, Al-Tahara. On a pris dans les qaïdes fiqhiyya que la base dans les choses, c'est qu'elles sont pures. La base dans les choses, c'est qu'elles sont pures. Parce que tu touches comme tissu, le sol, l'eau, d'accord, la peau, toutes les choses à la base qui sont autour de l'homme, à la base, c'est qu'elles sont pures. C'est parce que tu as un délit qui te dit que cette chose-là, c'est de najasa, elle est impure. C'est un truc important à savoir. Donc, au début, on a pris Bab el-Maya, les eaux, chapitre des eaux. On a pris les catégories d'eau, qui sont nos trois catégories. At-Tahur, celle qui est purifiante et pure en soi-même. At-Tahir, celle qui est pure, mais qui ne purifie pas autre. Comme par exemple, un jus de fruit, c'est pur, d'accord, ça ne purifie pas autre. C'est pas l'eau d'eau du jus de fruit. Et Najasa, ce qui est impur. On a appris que l'eau, elle est pure tant que ces trois caractéristiques ne changent pas, qui sont la couleur, l'odeur et le goût. Et qu'elle ne change pas pour cause de quoi? D'une Najasa qui serait tombée dedans. Quelle que soit sa quantité à la base. D'accord? Que ce soit de faible quantité ou de grande quantité, l'eau qui est stagnante à la base, pas comme la mer ou l'eau qui est très très vaste, celle-là, elle est pure. Comme l'eau qui est stagnante, qui est délimitée, celle-ci par exemple, ça dépend du mélange avec le najasa. Si le najasa change son odeur ou son goût ou sa couleur, l'eau devient impure. On ne peut pas faire l'eau d'eau avec. Après, on a appris que l'eau de la mer est tahour, pure et purifiante. On a appris qu'il est permis de manger la chair morte, ce qui vit dans l'eau, comme le poisson. On n'a pas à l'égorger. D'accord, ce genre de choses. On a appris également l'interdiction, tahrim, d'accomplir les besoins dans l'eau stagnante. Également, l'interdiction d'y faire un rousse de janaba dans l'eau qui est stagnante. On a appris l'interdiction d'utiliser fadl el-ma, le reste des eaux. Et on expliquait ça pour que les hadiths puissent coordonner que le fadl, on l'emploie pour deux choses. L'eau utilisée déjà, l'eau usagée, et le reste de l'eau qui n'a pas été utilisée. Donc il n'est pas permis d'utiliser l'eau usagée, mais il est permis d'utiliser l'eau qui reste, surplus d'eau. Et les deux, on l'appelle fadl en arabe. On avait pris ça. On avait pris également que la bave du chien est une najasa, avec khilaf. Avec Rilet sur le chien, est-ce qu'il est complètement najasa? Est-ce que juste sa bave est najasa? Ou est-ce qu'il est complètement pur? Et la vie qu'on avait choisi, c'était que sa bave était najasa et le reste était pur. Hormis ses excréments et son urine, bien sûr. On a appris également comment purifier la bave du chien. Qu'il faut laver 7 fois et la 8e avec de la terre. On a appris également que le chat est pur. Animal qui est pur, car c'est un animal domestique. On a appris que l'urine et les excréments humains sont une najasa bijmar. Également pour l'eau, des fois j'oublie si c'était bijmar ou pas bijmar. C'est, attendez. Donc on a appris que les excréments et les urines des humains sont une najasa. Et on a appris qu'également, il en est de même pour les animaux, hormis les animaux dont la chair est comestible. Eux, leurs excréments, leurs urines, ne sont pas najasa. Et on a cité les hadiles là-dessus. Et les autres animaux, eux, sont... Leurs excréments et leurs urines sont une najasa. Et c'est le masala et le dedans, kazalik. On a vu la permission de manger la sauterelle et le poisson. D'accord ? Sauterelle, c'est-à-dire que sans qu'elle ait été égorgée ni rien. Et le poisson, on l'a vu auparavant, il vit dans l'eau. On a appris que le cadavre du musulman est pur, et également celui du kafir, sur la parole, qui nous paraissait la plus authentique, car il y avait un khilaf. En fait, le cadavre humain, il est pur. On a appris également que la mouche, son cadavre vivante, elle est pure. Si elle tombe dans l'eau, on la noie. Après, on la ressort. Également, tout être vivant qui n'est pas de sang, comme les insectes, qui ne sont pas une najasa. Et on a appris également, toujours dans le livre des eaux, bien que certains sujets auraient dû être placés ailleurs, ça aurait été mieux, que ce qui est coupé comme membre d'un animal alors qu'il est vivant, ça devient une najasa. D'accord ? Par exemple, demain, tu coupes la patte d'un mouton, il est vivant. Cette patte-là n'est pas comestible, c'est najasa. Après, on a pris le chapitre des récipients. On a vu l'interdiction, le tahrim, de boire et de manger dans les récipients d'or et d'argent. Par contre, on a vu que c'était permis de les utiliser. Ce qui est interdit, c'est de boire et de manger dedans. On a vu comment purifier la peau de l'animal mort, le maïta. On appelle ça le tannage, pour le rendre en cuir. Et qu'il est permis également de s'en revêtir et de s'en servir. Même les animaux, les peaux d'animaux sauvages, comme on avait pris, les fauves, avec le khilaf. On a appris également, en ce qui concerne les récipients des koufars, que la conclusion, c'est qu'il est interdit de les utiliser s'il y avait une najasa dedans, avant de les laver. Et qu'il est permis de les utiliser si on est sûr qu'ils ont été purs. Et qu'en dehors de cela, c'est makrouh, c'est détestable. D'accord ? Donc ce qu'il faut, c'est s'en assurer. Et si on est koufar, il faut s'en assurer. Qu'est-ce qui était dedans ou pas ? Non. Et on a vu la permission de mettre une poignée en argent sur un vase ou autre, pour condition que ce soit de petite quantité. Un petit peu d'argent, pas trop. Par contre, pour l'or, c'est interdit. Plus pour l'argent. Ensuite, on a pris également le chapitre de comment ôter la najasa et quelle est-elle. Quelles sont les najasa? On a appris que l'alcool, avec l'apport à la plus sûre, authentique, ce n'est pas une najasa. D'accord, ce n'est pas une najasa. On a pris l'interdiction de faire du vinaigre à partir d'alcool. Pour que cela se fasse naturellement. Mais malgré le khilaf, on a dit que si jamais l'alcool, le vinaigre devient vinaigre, tu vois qu'il est devenu vinaigre, d'accord, il est licite à la consommation. Mais le procédé employé auparavant, ce n'est pas naturel, celui qui l'aura fait aura commis un péché. Mais ça, il y a beaucoup de khilaf dessus, on avait dit. On a pris l'interdiction, le tahrim, de manger la viande d'âne domestique, également le mulet. Mais que les deux ne font pas de najasa. Pour preuve, ils étaient pris comme monture. On a appris que le sperme était pur. D'accord ? On a vu que l'urine de l'enfant, le garçon, allaité, qui n'est pas encore sevré, que son urine est d'une najasa légère, qui suffit d'humecter pour l'enlever, contrairement à celle de la petite fille. L'urine de la petite fille, elle est plus forte. Elle est considérée comme celle de l'adulte. On a appris également que le sang du Haïd est une najasa d'Ijma. Également le sang des Nifas, des Loshi. Contrairement aux autres sangs. Que le sang à la base, en soi, n'est pas une najasa. Et il y avait Khilef également sur le sujet. Après, on a pris le chapitre de l'Odo. On a commencé par le fait qu'il fallait mettre la Niyya avant de faire l'Odo, bien entendu. Et qu'il n'était pas permis de la prononcer, cette Niyya. Sans quoi, ce serait une bid'a. On a appris le côté recommandé de l'usage du siwak avant de faire l'Odo. On a vu comment faire l'Odo, la façon de le faire. D'accord. On a vu également la quantité d'eau recommandée à l'employé, qui est à la base le minimum possible pour éviter le gaspillage. On a vu également qu'il n'était pas obligatoire de faire le prononcer la basmala, mais que c'était mustahab avant de faire l'eau. On a vu que dans l'eau, qu'il était obligatoire que l'eau parvienne dans toutes les parties des membres concernés par l'eau. D'accord ? Tout. Ne pas laisser une partie vide. Et on a appris également qu'il était recommandé de faire la shahada après avoir fini de faire l'eau. Après, on a appris le chapitre du mas sur les khoufein et celui-là sur les roufs. On a appris les chouroutes. Parmi les chouroutes, pour le faire, d'avoir enfilé les roufs en étant en état de purification. D'accord ? Pour pouvoir faire le masque dessus. On a vu comment faire le masque. Ça se fait sur la partie supérieure du pied. Même une toute petite partie. C'est pas obligé de faire tout le pied, une petite partie du pied. Que le masque n'est valable que pour El Hadath El Asra. Que pour l'état de souillure, d'impureté mineure. Et pas pour la Janaba. La janaba, il n'y a pas de masse. C'est rousse, pas capte. On a appris qu'il y avait des horaires. Un temps défini pour le masse. Pour le résident, c'est un jour et une nuit. Et pour le voyageur, c'est trois jours et trois nuits. On a dit que ce temps compte à partir de quand ? Du premier essuyage. Avec Rinef, mais c'était la parole la plus claire. Également, on avait pris que le fait d'envoyer, d'enlever les roufs, pour celui qui est en état de purification, cela n'annule pas l'eau d'eau. Après, on a vu quand est-ce qu'il doit refaire l'eau d'eau ou pas. Ça, c'est notre mas'ala. Mais à la base, enlever, le fait d'enlever les roufs, n'annule pas l'eau d'eau. Si jamais, tu avais ton eau d'eau. Et on a pris également la permission d'essuyer sur l'imam pendant l'eau d'eau. Après, on a pris le chapitre n'avoir que des l'eau d'eau, des annulatifs de l'eau d'eau. On a pris parmi eux le sommeil profond. D'accord ? Après, on a pris, de règle générale, tout ce qui sort des deux orifices. D'accord ? De devant et de derrière. Comme l'urine, comme les excréments, comme le sang des haïd, comme le sang des stihada, comme le sperme, comme le mavi qui est le liquide sémantique, on avait dit aussi prostatique, les deux. Comme les gaz également. Et même ce qui venait à sortir et qui à la base n'a pas à sortir. Par exemple, des cailloux, ceux qui ont des calculs, enfin, ce genre de choses. Mais généralement, on a vu que ça sortait, en général, ça sortait avec le reste. Quand tu urines ou quand tu vas au sel. Donc la règle générale, c'est tout ce qui sort des deux orifices, ça annule l'eau d'eau. On a appris également que le fait de toucher une femme n'annule pas l'eau d'eau. Ce qui est concerné, c'est avoir des rapports avec elle. On a vu que la certitude ne s'annule pas par le doute. Quand tu es sûr d'une chose et que tu doutes d'une chose, reste sur quoi tu es sûr. On a vu que toucher le pénis annulait l'eau d'eau. À la colle sahih, avec le khilaf. Lui, Cheikh Nizam, il ne voyait pas ça, c'était moustahab. D'accord ? Et également pour le vagin de la femme. Quand cela est venu dans d'autres hadiths, c'est pour le même jugement. On a vu que l'hémorragie nasale, le vomissement et les remontées acides ou je ne sais pas si c'est acide ou pas, cela n'annule pas l'eau d'eau. On a vu que la vente de chameau, en manger, ça annule l'eau d'eau. On a vu que le fait de laver un mort ou de le porter ne rendrait pas obligatoire l'eau d'eau, ni même de faire le rousl, de se laver, mais le rousl est moustahab. On a vu la mas'ala du fait de toucher le mushaf en état d'impureté. Il y avait un grand khilaf, et ce qui était sorti, c'est que c'était permis. Mais il y a un grand khilaf sur le sujet. Et on a vu également que la hijama, la ventouse, les ventouses, n'annule pas l'eau d'eau. Tayyip. Ensuite, on a pris Beb Qadr al-Haja, avec l'istirbeb de faire le doigt en rentrant aux toilettes, et qu'il n'y avait rien d'affirmé comme doigt en sortant des toilettes. C'est-à-dire le hadith rapporté par Aïcha n'est pas authentique, bien que certains savants l'ont rendu hassan. Donc ils ont dit l'amr fi wasi'a. L'affaire elle est large, mais quoi qu'il en soit, le hadith n'est pas authentique. On a vu qu'il était obligatoire de faire le nettoyage, l'istinja des parties intimes, avec tout ce qui était permis d'utiliser. Et que le meilleur c'était l'eau, et ainsi que les pierres. On a vu l'interdiction de faire, d'accomplir les besoins dans les lieux de passage, ainsi que dans les lieux que les gens prennent pour là où il y a de l'ombre, et en bas des arbres fruitiers, yani qui ont encore des fruits mûrs, et également sur les rives des lieux où il y a de l'eau stagnante. On a vu qu'il était recommandé également de s'éloigner des gens pour accomplir les besoins, particulièrement pour aller au sel. Par contre, pour ce qui est d'uriner, ce n'est pas la peine de s'éloigner, mais ce qu'il faut, c'est couvrir la aura. On a vu l'interdiction de tenir le pénis par la main droite lorsqu'on urine, et de s'essuyer avec la main droite également des selles, et de respirer dans les récipients lorsqu'on boit. On a vu le côté détestable de faire face à la qibla ou de lui tourner le dos en accomplissant les besoins, et cela en liant les adillahs, bien qu'il y a plusieurs interprétations qui ont été données. Mais celle que Cheikh Ibn Hizam a vue, c'était la karaha, c'était là, était détestable. On a vu le fait qu'il fallait utiliser au minimum trois pierres pour faire l'estijmar, c'est-à-dire se nettoyer avec les pierres, et pas en dessous de trois pierres, et que s'il y a besoin d'en ajouter, on ajoute, mais en nombre impair à chaque fois, c'est-à-dire trois, sinon cinq, sinon sept, ainsi de suite. et qu'il était interdit également d'utiliser les ossements, les crottins pour faire l'istinja. On a vu qu'il fallait se préserver de l'urine, car celle-ci était parmi les causes du supplice de la tombe, du châtiment de la tombe. On a vu qu'il n'y avait pas de position particulière à adopter lors de l'accomplissement des besoins. Le plus important, c'est de se mettre de sorte à ce que la najasa ne nous touche pas. Et on a vu qu'il était permis d'uriner debout. Ensuite, on a pris Bab el-Rosl, le chapitre du lavage, de purification. On a vu qu'à la base, il est obligatoire de faire ce rosl pour la sortie du mani. Sortie du mani, c'est-à-dire le sperme pour les hommes, et on emploie également le mani pour la femme. Et que ce soit en réalité ou même en rêve, à partir du moment où le mani est sorti, il est obligatoire de faire le rosl janaba. On a vu que le rosl également était rendu obligatoire s'il y avait eu pénétration lors des rapports, même s'il n'y a pas eu éjaculation. À partir du moment qu'il y a eu pénétration, le rosl devient obligatoire. On a vu que le rosl est obligatoire, comme on l'a dit, alors le janaba est un impureté majeure. On a vu pour le Jumu'a, pour celui qui va se rendre au Jumu'a, qui assiste au Jumu'a, qu'on a vu pour après les Haïd, après les menstrues, et après les Nifes, et Shir ibn Uzaym, il voit également pour la conversion à l'islam, la rentrée en islam, avec Khilaf sur la Mas'ala. On a vu qu'il était permis de lire le Coran pour celui qui était Junub. On a même pris en Faïda al-Rawiya, littéraire, que le mot Junub s'emploie pour le féminin, le masculin, le pluriel et le singulier. On dit Huwa Junub, wa Hiya Junub. On dit Hum Junub, wa on dit Hunna Junub. C'est pareil. On a vu qu'il était recommandé de faire l'oudo entre deux rapports, c'est-à-dire si un homme avait ce rapport avec sa femme, et qu'après il voulait recommencer, qu'il était recommandé pour lui de faire l'oudo. On a vu la permission également de dormir en état de janaba, qui n'est pas obligatoire de faire le rosl immédiatement après, avant de dormir plutôt. On a vu comment faire le rosl, et que le rosl en réalité, il n'est pas obligatoire. Le rosl le plus complet, c'est celui qui englobe l'eau d'eau, lorsqu'on fait l'eau d'eau en même temps. Et que, en réalité, le simple fait de verser de l'eau sur soi et que l'eau atteigne toutes les parties du corps, cela suffit. Alors on le rosl valide. Après, on a pris Beb et Tayammum, le chapitre des ablutions sèches. On a vu que le Tayammum, c'était une tahara kamila, voilà mubiha fakat. C'était une purification complète et non pas une simple permission. Avec khilaf. Il y avait un khilaf. On a vu que pour que le Tayammum soit valide, il faut que l'eau soit, qu'il n'y ait pas d'eau, ou que l'eau ne soit pas accessible pour des raisons définies dans les doulous. Ou que même si l'eau est accessible, que la personne ne soit pas en mesure de pouvoir l'utiliser. On a vu que le tayammum est valable pour la janaba et pour le hadath et l'asrar, c'est-à-dire pour l'état d'impureté majeure et mineure, pour les deux. On a vu comment faire le tayammum, qu'à la base c'est un coup au sol pour se frotter par le visage ainsi que les mains. Et qu'il est permis de souffler dans les mains pour enlever un peu de la terre. Et que le tayammum se fait avec de la terre. Et qu'on a vu également que le tayammum s'annulait pour les mêmes annulatifs que l'eau d'eau, mais en plus on peut ajouter quoi? La présence d'eau. Si l'eau l'est trouvée, le tayammum s'annule. Et l'eau d'eau est obligatoire pour la prochaine salat. On a dit qu'on peut faire différentes salats avec un seul tayammum tant que la personne n'a pas perdu son tayammum. En réalité, avec bien sûr qu'il y a un khilaf. Et pour finir, on a pris Bab el-Haid, le chapitre des menstrues. On a vu que la femme qui a ses menstrues, elle ne fait plus la salat ni ne jeûne le temps de ses menstrues, qui sont en moyenne de 6 ou 7 jours, une fois par mois. C'est la base. Bientôt, ça peut être moins que ça et ça peut être plus que ça. On a vu quelles sont les caractéristiques du sang des menstrues. On a vu également que le sang des menstrues est une najasa, comme cela fut déjà cité auparavant. Et on a insisté sur le fait que la femme... Le point principal pour elle, pour s'en sortir dans ce sujet, c'est qu'elle arrive à distinguer ses menstrues, le sang des menstrues. Si elle arrive à le distinguer, elle sort de bien des divergences et bien des difficultés. Et que les bases sur lesquelles, les choses sur lesquelles se base la femme pour savoir, c'est ou la distinction, ou bien alors son cycle mensuel, son habitude. On a pris le hukm de l'istihara dans la métrorragie, qu'on a dit que la métrorragie, c'est un sang autre que celui des menstrues, causé par une maladie, par une veine, et que ce sang implique l'ozo, et que l'homme, comme le stihad est un sang continu, la femme doit faire l'ozo pour chaque salat. Pour chaque salat. C'est une chose qui annule l'ozo. On a vu comment faire pour que la femme arrive à distinguer entre l'ozo et ses menstrues si elle le peut. On a vu également les règles concernant les rapports intimes avec la femme qui a ses menstrues, que la pénétration n'est pas permise en dehors de cela. Il y avait un détail sur la question, comment faire, qu'est-ce qui était mustahab, qu'est-ce qui était makruh, ainsi de suite, mais que la chose qui était interdite en absolu, c'était la pénétration. On a vu que la femme qui a ses menstrues peut faire le hajj comme tout le monde, hormis qu'elle ne fait pas de tawaf, ni tout rituel, circuit autour de la Kaaba, ni de salat. Et pour finir, on a pris également les nifas, c'est-à-dire le sang des louchis, le sang qui vient à la suite de l'accouchement. Qu'à la base, c'est qu'il dure 40 jours. Et que les règles s'attribuant au nifas sont les mêmes que celles qui s'attribuent au menstrues. C'est la même chose. Et que le sang, à la base, est le même. Hormis qu'on a dit que pour le haid, par exemple, ça peut être un signe pour déterminer la idda de la femme. Contrairement au nifas, qui n'a pas lieu d'être par rapport à ça. Donc de là s'achève ces durus. نسأل الله أن يبارك فيها ونجعلها نافعة للإسلام المسلمين وإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن الشيطان ومن نفسه وأقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.